55 minutes. Au micro, c'est Vestine Utoi, la cabine technique, et vous êtes avec Innocent Vivonimana. Bonjour, fidèles auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à cette édition de la mi-journée de ce jeudi. D'abord, les grands titres. Les premières émissions télévisées vont bientôt commencer sur la radio-télévision Isanganiro, récemment autorisée par le Conseil national de la communication. Vous allez écouter dans ce journal le directeur de la radio Isanganiro. Et le gouvernement burundais a concrétisé de diverses initiatives en matière de la liberté de presse, même si la rétention de l'information persiste. Constant de Nestor Nkurunziza, ancien journaliste, après la publication du classement mondial de 180 pays en matière de la liberté de presse, qui attribue au Burundi la place de 147 cette année. La reprise des activités de 12 commerçants victimes de l'incendie récemment survenu au marché central d'Ngozi nécessite une somme de plus de 300 millions de francs burundais. Voilà pour les titres et bienvenue encore une fois. Ouvrons ce journal et par la page média, la radio Isanganiro se dit satisfaite de l'autorisation d'ouvrir la chaîne de télévision lui accordée par le Conseil national de communication. Sylvain Nakarutimana, directeur de la dite radio, précise que cette chaîne télévision vient apporter une plus-value dans le domaine médiatique. Il rassure que les émissions télévisées vont bientôt commencer. Suivez Sylvain Nakarutimana, il est au micro d'Ornella Mucho. Le Conseil national de la communication a répondu favorablement à notre demande d'ouverture de la télévision parce que nous-mêmes nous étions motivés par des demandes incessantes de nos auditeurs, des amis de la radio. Et je voudrais saisir cette occasion d'ailleurs pour dire merci au Conseil national de la communication. Nous gardons la même devise, et que le dialogue vaut mieux que la force. Nous gardons les mêmes directives sur le plan de la ligne éditoriale, c'est-à-dire que nous restons avec le même pilier, à savoir la construction de la paix à travers le dialogue. Bientôt la RTI sera ouverte, quelle sera la plus-value? Comme on était déjà dans le domaine de la radio, et maintenant nous serons dans le domaine de la télévision. Autrement dit, nous serons complémentaires avec les médias qui avaient investi pour travailler à travers la télévision. Et la question qui vient en tête directement, c'est à quand l'ouverture? Et très bientôt, je vais mettre en place une commission qui sera chargée de préparer les cérémonies du jour de l'inauguration de cette télévision. C'est à base du rapport que la commission va me transmettre que je pourrai annoncer la date de l'ouverture solennelle des activités de la télévision. Peut-être que les gens pourraient se demander qu'est-ce que nous promettons aux uns et aux autres. La RTI se donne comme bon d'ordre d'accompagner les gouvernants dans leurs tâches quotidiennes de développer ce pays. Du côté de la population, nous pensons que nous serons près de la population pour relayer et montrer les conditions de vie de la population afin que les décideurs de ce pays puissent prendre des décisions d'allocation des ressources afin de résoudre les problèmes qui minent la vie de la population. Et nous en appelons d'ailleurs à tous les collaborateurs qui voudraient travailler avec la RTI de nous approcher, de voir ensemble ce que nous pouvons construire et profiter d'enjeux gagnant-gagnant des deux côtés. Les gens qui voudraient qu'on leur fasse des publicités, la radio-télévision est là pour ça. On aura des espaces de publicité pour des entreprises, des particuliers, des ONG, des organismes internationaux pour que nous puissions effectuer un travail louable, satisfaisant pour les deux côtés. Sylvain Nakarutimana, il est le directeur de la radio Isanganiro. Toujours en page média, c'est Salitu Akaro Bondi et avancé de 13 places en matière de liberté de presse. C'est une appréciation de Nestor Nkurunziza, vétéran du journalisme, après la publication du classement mondial des pays qui place le Burundi à la 147e position en cette année, alors qu'il était classé à la place 260 l'année 2020. Nkurunziza affirme qu'il y ait des initiatives concrètes du gouvernement dans ce secteur, mais trouve qu'il y ait encore l'arrêtation de l'information. Je vous propose de l'écouter au micro d'Elini Benivigira. L'appréciation très positive, hein. Ça dénote d'abord une volonté réelle qu'on observe de la part du gouvernement actuel d'aller de l'avant en termes d'amélioration des relations entre les médias et le gouvernement. Ça traduit aussi les efforts réels qu'on a vus, notamment des initiatives comme la libération en quelque sorte des journalistes qui étaient emprisonnés. On a vu ça juste à la veille de Noël. On avait attendu plusieurs mois et puis finalement ils sont sortis. On a dit, ouf, ça commence à venir. Et puis on a vu le gouvernement qui demande que le CNC rencontre les médias qui avaient été interdits pour les rouvrir. Et Bonnechat est en train de fonctionner aujourd'hui. On apprend qu'il y a aujourd'hui un dialogue entre certains médias qui sont à l'extérieur, comme la BBC, comme la VOA, pour qu'on puisse se renormaliser, qui vient de travailler encore. Donc ça aussi, on espère que bientôt, il y aura un aboutissement. Il y a aussi ce que je pourrais appeler une certaine ouverture de certaines autorités provinciales. Dans le temps, il y avait des provinces, tu allais chercher une information, tu rentrais bredouille. Et aujourd'hui, par contre, on se rend compte que plusieurs autorités au niveau de l'administration locale sont vraiment ouvertes pour donner de l'information ou permettre aux journalistes donc de circuler dans leur circonscription et travailler sans entrave. Tout cela, c'est à mon avis, des choses qui ont permis que le Burundi puisse avancer. Donc, clairement, on sent cette ouverture vraiment du gouvernement et qui permet donc aux médias de pouvoir parler beaucoup plus librement, mais il y a encore des choses à faire. On n'est pas encore à la 142e place qu'on occupait en 2014, donc juste avant la crise. C'est pas trop. On pourrait même aller au-delà. Il y a encore certaines autorités qui retiennent l'information. La rétention de l'information ne contribue pas du tout ni au pluralisme, ni à l'équilibre de l'information. Il y a aussi quelque chose comme l'indépendance du journaliste ou des médias. Est-ce que les médias sont indépendants aujourd'hui? Je trouve que de plus en plus sont indépendants. Ils doivent quand même saisir cette opportunité pour se sentir plus indépendants. Enfin, l'autocensure. L'autocensure, pendant ces 5 ans, s'est développée au sein des médias au point que la plupart des journalistes ont cherché une information, ont recoupé tout. Et à la fin, une bonne information, mais ne peut pas la diffuser pour la simple raison qu'ils ont peur. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que le dialogue que l'on a vu s'amorcer entre le gouvernement et les médias puisse aller de l'avant et que donc aussi les médias puissent saisir effectivement au bon cette liberté qui est en train de s'améliorer. Et en page de communication, les femmes et jeunes filles sont appelées à se prêter à l'exploitation des technologies d'information et de communication pour se rassurer un meilleur avenir. C'est ce qu'a dit ce jeudi Angeline Ndayishimiye, première dame du Burundi, à marge de la clôture de la Journée internationale des filles et jeunes filles dans le secteur des TIC. La ministre Marie-Chantal Nijimbele, ayant les technologies d'information et de communication dans ses attributions, précise que seule la pérennisation des TIC dans tous les secteurs du pays est le meilleur moyen d'inciter les femmes et jeunes filles à l'exploitation de ces dernières. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons ce journal en page Bonne et gouvernance. La sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption et la machine répressive opérationnelle sont les grands piliers de lutte contre la corruption. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Faustin Dikoumana, directeur national de la parole et action pour le réveil des consciences et évolution des mentalités par Semence Sigle, apprécie les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la corruption. Suivez-le, ses propos ont été recueillis par Yvette Nijimbele. Tarsem, nous remercions le gouvernement sur le souffle nouveau qu'il veut d'impulser dans la lutte contre la corruption. Mais nous savons que le combat contre la corruption exige beaucoup de synergie entre les acteurs. Et c'est pour cela que Tarsem vient de proposer une stratégie globale pour être considérée comme une trajectoire dans la lutte contre la corruption. Cette stratégie alors comporte, je crois, 5 axes. Il y a un premier axe centré sur la sensibilisation de la population sur les méfaits de la corruption. Pouvoir lier l'état de pauvreté actuel avec l'état de la corruption aujourd'hui. Comment on peut avoir des élèves de l'école primaire qui assisent par terre alors qu'on est en train de faire des détournements dans les deniers publics. Le taux de malnutrition actuellement. Le deuxième axe, c'est revisiter les lois. Donc, l'amélioration du cadre légal de lutte contre la corruption actuelle est d'une nécessité impérieuse. Pour réformer la justice, permettre de frapper fort contre les corrupteurs. L'axe 4, c'est le renforcement des institutions de contrôle et d'investigation. Il faut par exemple restaurer la mission juridictionnelle de la Cour des comptes. Donner la force à ces institutions, l'indépendance, les moyens, la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État. Et nous imaginons aussi qu'il faut qu'il y ait une institution spéciale chargée de réprimer les infractions liées à la délinquance financière. Cinquième axe, c'est le renforcement des actions de prévention, des pratiques pour que justement on décourage les corrupteurs et les corrompus, notamment du principe de déclaration des biens contenu dans la Constitution et dans la loi anticorruption. Il faut vraiment le rendre même obligatoire, améliorer la loi. Il faut créer une loi liée à la déclaration de but. Et il faut aussi interdire le principe de donation des cadeaux aux mandataires publics, car la donation des cadeaux aboutit même fois à l'achat de conscience. Il y a toujours une odeur de corruption. Il faut améliorer et rendre régulier le système d'évaluation des projets de développement, voir si réellement le montant alloué aux projets de développement, il y a une proportionnalité avec les résultats concrets sur le terrain. Et en page de commerce, plus de 300 millions de francs burundais, la somme d'argent nécessaire pour venir en aide aux commerçants qui ont perdu leurs marchandises lors de l'incendie survenu au marché central d'Ngozi. Une commission de 13 personnes est mise en place pour collecter ces fonds afin que les 12 victimes de cet incendie puissent reprendre leurs activités. Frédéric Misago, président de l'association des commerçants de son marché, demande à toute âme charitable de contribuer pour cette fin. Apollinaire Mozagar. 4 commerçants dont les marchandises ont pris feu et 8 autres qui se sont vus voler leurs marchandises le jour de l'incendie survenu au marché central d'Ngozi, ce sont eux qui vont bénéficier bientôt d'une aide en argent, aide qui sera collectée par une commission mise en place de 13 personnes, principalement des opérateurs économiques. Comme l'indique Misago Frédéric, président de l'association des commerçants de son marché, les dégâts occasionnés le jour de l'incendie à ces 12 commerçants sont estimés à 328 3500 francs. Ce responsable parle donc d'une lourde tâche pour collecter toute cette somme. Il invite à cet effet les âmes charitables, notamment les commerçants de son marché et même ceux d'autres marchés, à contribuer chacun selon ses moyens pour que leurs frères victimes de cet incident puissent reprendre au travail et cela permettra à leur famille de continuer à vivre. Frédéric Misago dit que cette aide leur sera remise au fur et à mesure, donc il est impossible actuellement de donner la date de la fin de la collecte de cette somme. Donc aussi, Apollinaire Mozagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Mozagara. Quittons la province Ngozi pour nous rendre en province Karusi où 150 millions de francs bou et la somme d'argent nécessaire pour contribuer à pour que la population de la province Karusi puisse construire la toiture du stade moderne en cours de construction en cette province. Cela a été dit dans les réunions des responsables et des services vrai Karusi et l'administration. La contribution minimale demandée étant de 1 000 francs burundais pour toute personne âgée de 18 ans et 4 000 pour le fonctionnaire pour que ces constructions qui datent de 2016 puissent être terminées. Blaise Pascal Kararoumi. Toute personne âgée de 18 ans va contribuer à raison de 1 000 francs, le fonctionnaire moyen à 4 000 francs et les cadres et les commerçants au moins 10 000 francs, et cela depuis la semaine prochaine. Une contribution minimale, comme l'explique le responsable de la province Karusi. Ces responsables administratifs font savoir que la somme d'argent qui sera collectée servira pour la construction de la charpente du stade moderne en cours de construction au chef-lieu de la province Karusi. Tel a été dit dans la réunion de ce mercredi, réunion du cabinet du gouverneur avec les chefs de service œuvrant dans la province. Le chef du cabinet du gouverneur a indiqué que ces travaux de construction de la charpente et couverture vont coûter 150 millions de francs burundais et que cette somme doit être collectée jusqu'à la mi-mai prochain. Innocent Nirameba a annoncé que cet argent ne proviendra que des contributions de la population de Karusi, les natifs et les amis de la province. Cette réunion succédait celle tenue à la fin de la semaine passée à l'intention des responsables administratifs depuis la colline pour leur expliquer cette collecte des contributions et l'importance de ce projet de construction du stade moderne de Karusi, un projet qui date depuis 2016. Deux dalles étant déjà mises en place, certains des contributeurs signalent que le projet a beaucoup perduré et souhaitent que ce projet puisse être terminé afin que d'autres projets de développement de la province Karusi puissent encore commencer. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal Kararoumié. Voilà, c'est la fin de ce journal. Mais permettez-moi de vous rappeler les principaux titres avant la fermeture de ce journal. Les premières émissions télévisées vont bientôt commencer sur la télévision Isanganiro, récemment autorisée par le Conseil national de communication. Et le gouvernement burundais a concrétisé de diverses initiatives en matière de la liberté de presse, même si la rétention de l'information persiste. C'était le constat de Nestor Nkurunziza, ancien journaliste, après la publication du classement mondial de 180 pays en matière de la liberté de presse, qui attribue au Burundi la place de 147e cette année. La reprise des activités de 12 commerçants victimes de l'incendie récemment survenus au marché central d'Ngozi nécessite une somme de plus de 300 millions de francs burundais. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bonimana pour la collaboration technique et Vestine Outojeté à la présentation. Au revoir, passez un bon après-midi.